بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله مترى شيخ فايسور aujourd'hui le lundi 10 Rajab de l'année 1441 de l'Hégire correspondant au 22 février 2021. Nous nous retrouvons dans cette soirée pour poursuivre ensemble l'étude du livre d'Ibn Jama'a qui s'intitule Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim fi Adabi al-'Alim wal Muta'allim. Nous avons parlé dans les cours précédents du premier chapitre de l'introduction et du premier chapitre de ce livre dans lequel l'auteur a parlé du mérite de la science et des hommes de science. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième chapitre dans lequel il va parler, rahimahullah, des règles de bienséance de l'homme de science en lui-même, avec sa propre personne. Et les règles de bienséance de l'homme de science avec ses étudiants. Et également, pendant son cours. Donc ce sont trois parties. Dans la première partie de ce deuxième chapitre, il va citer 12 règles de politesse. Et dans le deuxième point, il citera 14. Et dans le dernier, il citera 11 règles de politesse. Donc dans ce deuxième chapitre, nous allons voir 37 règles de politesse concernant l'homme de science. Et vous vous rappelez que dans le chapitre suivant, il va parler du demandeur de science. Mais ici, il a commencé par l'homme de science. Il a dit, rahimahullah, fi adabihi fi nafsi. Wa huwa 12 naw'a. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. Donc les bienséances du savant en lui-même avec sa propre personne sont au nombre de 12 qui seront cités dans ce livre. Ce livre, bien évidemment, c'est un livre résumé. C'est parmi les livres les plus résumés qui ont été faits par les anciens savants. Le premier qu'il a cité, il a dit دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. C'est d'observer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière constante et permanente, en secret et en public. والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. Également de préserver sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses faits et gestes, dans toutes ses paroles et dans tous ses actes. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, il doit toujours avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a justifié cela, il a dit, فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى مَا أُودِعَ مِنَ الْعُلُومِ. Et ceci, car il doit être à la hauteur de la confiance qui lui a été faite et à la hauteur de cette science qui lui a été consignée. et de tout ce qui lui a été accordé comme sens et comme compréhension. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ses bienfaits. Il lui a donné la science, le rang le plus élevé après le rang de la prophétie. C'est pour ça qu'il doit être digne de ces bienfaits qui lui ont été accordés et il doit être à la hauteur de cela. قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ne trahissez pas sciemment ce qui vous a été confié. Ne trahissez pas Allah et son messager. Ne trahissez pas sciemment ce qui vous a été confié. Et les savants, ce qui leur a été confié, c'est la science. Et c'est une responsabilité. C'est un honneur, mais les responsabilités augmentent proportionnellement avec l'augmentation de l'honneur et du statut. Plus Allah t'accorde un statut élevé, plus tes devoirs et tes responsabilités seront grandes. Et c'est pour ça le savant quand il fait un péché, c'est pas comme l'ignorant. C'est plus grave sans aucun doute. Allah Azza wa Jalla dit également wa qala ta'ala bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada fala takhshawun nas wa khshawun car leur fut confiée la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les hommes, et craignez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux savants son livre, et il leur a confié ce livre. Et ils en sont les témoins. C'est pour ça, Ils ne doivent pas craindre les gens, mais ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et être à la hauteur de ce qui leur a été accordé comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع. الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس le grand imam a dit, laysa al-ilmu ma hufidh. La science, ce n'est pas ce qui a été mémorisé. Al-ilmu ma nafa'. La science, c'est ce qui a été profitable. En autre terme, la science, c'est ce que tu mets en pratique. Et non pas ce que tu mémorises. Car la science profitable, c'est celle que tu mets en pratique. La science est un argument d'Allah contre toi jusqu'à ce que tu le mettes en pratique. Ça devient un argument en ta faveur. Et entre parenthèses, c'est pas parce que la personne, elle voit qu'elle n'arrive pas encore à mettre en pratique. C'est pas une raison pour délaisser la science. Tu n'arrives pas à mettre en pratique, implore Allah et tu l'invoques et tu fais de ton mieux pour mettre en pratique. Et la solution, c'est bien évidemment de ne pas délaisser la science. Ça, c'est la solution que t'inspire Shaitan. Il te dit, toi, t'es pas fait pour la science, toi, t'es mauvais, toi, t'as pas de mémorisation. Tout ça, c'est des faux arguments et des ambiguïtés avec lesquelles Shaitan essaye de repousser les gens d'emprunter la voie de la science. Donc, notez bien cette parole de l'imam Shafi'i. La science, c'est pas ce qui a été mémorisé. La science, c'est ce qui a été profitable. Et ce qui a été profitable, c'est ce que tu as mis en pratique. D'autres ont dit, c'est pas cité dans le livre, mais d'autres ont dit, ils disent, parmi les salafs, ils disent que la science, c'est ce que tu as retenu dans ta poitrine, ce que tu as mémorisé. Et moi, je dis, la science, c'est ce qui rentre avec toi dans ta tombe. Et la science qui rentre avec toi dans ta tombe, c'est la science profitable. C'est tes actes et ta mise en pratique de cette science que tu as appris. La science profitable nécessite deux points. Que ce soit une science, ilmun sahihun fi dhatihi, une science qui est authentique en elle-même. Et la science authentique, c'est celle tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son messager avec la compréhension de salaf. Ça, c'est la science profitable en elle-même. Mais quand est-ce que cette science, elle devient profitable pour toi? Quand tu la mets en pratique. Hada huwa le sens. Wa min dhalika dawamu as-sakinati wal waqari wal khushu' wal wara'i wat tawadu' lillahi wal khudu'. Également, parmi les comportements que se doit d'avoir l'homme de science, qui rentre toujours dans ce premier adab avec lequel il a commencé, c'est d'avoir, de faire preuve de manière continue de calme et de sérénité et de prestance et d'humilité et d'abstinence de ce que Allah a interdit et de modestie et d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme de science, il ne doit pas être quelqu'un de frivole, ta'ish, mais il doit être un homme calme et serein qui inspire l'apaisement et doit être d'une prestance qui convient à l'homme de science. Il doit être modeste. Il doit être modeste. ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Parmi les recommandations qui ont été adressées à Rashid, le gouverneur l'Abbasi, par l'imam Malik, le grand savant de Médine, Malik ibn Anas, Abu Abdillah, il lui a dit, si tu apprends une science, qu'on voit sur toi son effet, l'effet de la science. C'est-à-dire, yani, sa mise en pratique, et que cette science te change vers le bien dans ton comportement, dans ton parole, dans tes actes, dans tes gestes. Si tu apprends une science, qu'on voit sur toi son effet et sa prestance et son indulgence. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ils avaient tout cela. Donc leurs héritiers, ils doivent prendre de leur comportement. Ils doivent hériter de leur science et de la mise en pratique de cette science dont rentre le comportement et les règles de bienséance. وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. الله أكبر. عمر رحمه الله a dit, cette parole de Omar a été rapportée par l'imam Al-Ajurri dans Akhlaq Hamalat al-Qur'an et par Waqi' dans son livre Zuhd et par Al-Bayhaqi dans son livre Al-Madkhal. Donc Omar radiyallahu anhu a dit, apprenez la science et apprenez pour cette science que vous avez appris, apprenez la sérénité et le respect et la prestance. L'homme de science ne doit pas être comme l'ignorant. Il parle de tout et de n'importe quoi. Il bouge plus qu'il parle. Avec cette frivolité, le savant doit se distinguer avec notamment ses comportements qui ont été cités. وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. Il a rapporté une autre parole de certains salafs dans laquelle il a dit: il se doit pour l'homme de science de faire preuve de modestie et d'humilité. Il se doit d'être modeste et humble pour Allah subhanahu wa ta'ala, en secret et en public. Et il doit être en garde contre son nafs. Et il doit s'arrêter devant les choses qui ne sont pas claires pour lui. Il ne doit pas se prononcer sur une chose que quand il a la certitude. S'il doute ou si c'est équivoque pour lui, pas clair, il ne doit pas se prononcer. Comme a été rapporté de l'imam Malik, il a dit: avant de faire une fatwa, imagine-toi entre le paradis et l'enfer devant Allah subhanahu wa ta'ala et prépare ce que tu vas lui donner comme réponse pour cet avis juridique que tu viens de donner. Prépare ta réponse devant Allah maintenant, avant de prononcer une fatwa. Et vous voyez comment la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avaient nos salafs et qui ne parlaient qu'avec science. Et même des fois, ça peut leur arriver de ne pas répondre tout en connaissant la réponse pour une sagesse. Des fois, pour éduquer le demandeur. L'imam Malik est venu à lui, un homme du nord d'Afrique, de la région qui était appelée El Maghrib. Il est venu de son pays. Il a fait tout ce voyage vers Al-Madina. Il est venu avec 40 questions. Il a répondu à 4 et pour le reste, il a dit: je ne sais pas. L'homme lui a dit: je suis venu, j'ai fait tout ce voyage. Qu'est-ce que je dirais aux gens qui m'ont envoyé? Parce qu'il a été chargé de cette mission. Des questions que les savants de son pays ne connaissaient pas, ou pour lesquels ils voulaient connaître l'avis de l'imam Malik, ils ont chargé cet homme parmi les hommes de science pour poser ces questions à l'imam Malik. Il lui a dit: qu'est-ce que je leur dis? Il lui a dit: dis-leur, Malik a dit je ne sais pas. Allahu Akbar. Ils n'ont pas honte de dire je ne sais pas. Je ne sais pas est la moitié de la science. Je ne sais pas est la moitié de la science. Tu ne dois pas te gêner de dire je ne sais pas quand tu sais pas. Et tu dois le dire également dans des situations où la sagesse impose de ne pas donner une réponse. Car des fois la personne elle pose des questions de curiosité. Et pour lui donner une leçon et lui montrer qu'au lieu de s'occuper de ses questions, qu'elle doit commencer d'abord par les choses dont elle a besoin dans son quotidien pour adorer Allah avec science et clairvoyance. Et parce qu'il y a des réponses qui peuvent être une fitna pour celui qui pose la question. Donc tout ça, c'est des points que le savant prend en compte avant de donner une réponse. Et de là, on voit l'erreur que font certains de nos frères et de nos sœurs. Ils vont sur Internet, ils cherchent le fatwa. Ils cherchent le fatwa sur Internet. Donc, quel est le rôle de Cheikh Al-Fawzan, et de Cheikh Al-Abbad, et de Cheikh Al-Haydan, et de Cheikh Rabia, et des grands savants. Si on prend des fatwas sur Internet, comme ça. Ensuite, il est passé au deuxième adab, à la deuxième règle de politesse et de bienséance que doit observer le savant. Il a dit, الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. Le deuxième adab. Le premier adab, muraqabatullah. Le deuxième, préserver la science des choses dont ils ont préservé les salafs. De quoi ils ont préservé les salafs leur science? Les savants de salaf, de quoi ils ont préservé leur science? C'est ce qui va venir dans sa réponse. Il a dit, ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. Et il doit préserver pour la science le statut élevé et l'honneur qu'Allah lui a donné. Allah a placé cette science à un statut élevé. Et elle est d'un honneur considérable. Donc le savant ne doit pas rabaisser la science de ce statut dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis. فَلَا يُذِلُّهُ بِذَهَابِهِ وَمَشِّهِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ. Là il explique, il dit, il ne doit pas humilier sa science en allant vers les gens qui ne sont pas habilités à acquérir cette science parmi les gens de dunya, les gens de l'aisance et de la richesse, sans qu'il y ait une nécessité ou un besoin. Ou d'aller vers أو إلى من يتعلمه منه منهم وإن عظم شأنه وبرع قدره. Et de ne pas aller vers ses étudiants, c'est pas lui qui doit se déplacer, c'est pas à la science de se déplacer vers l'étudiant, mais c'est à l'étudiant de se déplacer vers la science, comme bien même l'étudiant est quelqu'un d'un statut et d'un rang élevé, le fils d'un prince ou le fils d'un roi, comme a fait l'imam Malik avec les enfants de Harun al-Rashid. Mais il l'a fait avec une grande sagesse. Il a décliné sa demande. Il lui a dit de venir à la maison, dans son palais royal, pour enseigner ses enfants. L'imam Malik lui a dit, cette science, elle sort de vous, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et si vous la respectez pas, elle ne sera pas respectée. Regardez cette réponse dans laquelle il a décliné la demande, mais il a montré le statut du gouverneur et il lui a rappelé qu'il est un descendant du prophète alayhi salam. Il est parmi les premiers qui doivent préserver pour la science son statut élevé et ne pas la rabaisser. Et fait partie du rabaissement et de l'humiliation de la science de la donner à quelqu'un qui la mérite pas. Ou que le savant se déplace vers ses étudiants. Sauf dans des cas particuliers qu'il va citer. Mais de manière générale, c'est l'étudiant qui doit se déplacer pour la science. Et c'est pas parce que l'étudiant est un homme riche, est un prince ou autre, que le savant se déplace vers lui. Sauf s'il y a une nécessité ou un besoin qui puisse légitimer cela. Mais de manière générale, c'est ça. L'imam Malik était dans sa mosquée et les gens venaient vers lui pour prendre de sa science. Et non pas l'inverse. قال الزهري هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. L'imam Zuhri, parmi les grands chouyours de l'imam Malik, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, une montagne de la mémorisation. Ils ont dit, c'est un des plus grands mémorisateurs de cette umma, Jabal al-Hifd. Et pourtant, subhanallah, ils lui ont posé la question, comment t'as fait pour mémoriser tout ce que tu connais? impressionnant tout ce que tu mémorises. Comment t'as fait ? Il a dit, un jour je mémorise un hadith et un autre jour je mémorise deux hadith. C'est-à-dire petit à petit, mais avec une constance. Nous, pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'on veut la science d'un coup. En une année, je veux devenir un talib ilm, yani, qui maîtrise la plupart des sujets. Eux, ils savaient que la demande de science est une adoration. Ils se hâtaient pas pour le jour où ils allaient donner des cours où les gens vont revenir vers eux. La demande de science est une adoration. Ils la demandent pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. À notre époque, l'étudiant en général, après 10 ans d'études, yani, il devient un cheikh. Un cheikh, en général, après une dizaine d'années d'études. Et quelle étude comparée à la leur? On revient pas jusqu'à Muhammad ibn Shihab Zuhri. Prenons juste An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi, il avait une douzaine de cours par jour, sans compter ses révisions, sans compter les assises où il mémorisait, les cours qu'il prenait avec ses savants et ses chouyours. Rahimahumullah. Donc, Az-Zuhri rahimahullah dit, Hawanun bil-ilmi, c'est une humiliation et un rabaissement de la science de la déplacer vers la maison de l'étudiant. C'est-à-dire que le savant part avec sa science vers son étudiant chez lui pour lui donner la science. Et les ahadith rapportés des salafs par rapport à ce sujet sont très nombreux. وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني رحمه الله تعالى qui est décédé en l'an 392 de l'Hégire. Il a dit ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. Il a dit dans le sens de ces vers qui sont très connus, très, les savants les répètent souvent. Et cet homme, subhanallah, ils disent de lui, un grand savant dans la langue arabe. Ils disent que c'était pas un poète. Il faisait des poèmes, mais c'est pas les poèmes des poètes dans lesquels il y a l'éloquence, il y a, mais c'était sa poésie, c'était la poésie des savants, dans laquelle il y avait des sagesses, comme ce qu'il a dit ici. Il a dit, je n'ai pas consommé ma jeunesse dans la demande de science pour être au service de ceux que je croise. C'est-à-dire parmi ceux qui prennent de sa science. Je me fatigue à le planter, à planter ces arbres et ces plantes pour récolter l'humiliation et le rabaissement. À ce moment-là, l'ignorance était meilleure pour moi que de demander la science et de consommer ma jeunesse dans la demande de science pour rabaisser et humilier la science en étant au service de ceux à qui je donne ma science. Et si seulement les hommes de science avaient préservé leur science les aurait préservés. Et s'ils avaient estimé à sa juste valeur leur science, leur science les aurait élevés. Il y a certains savants qui ont qui ont dit que c'était meilleur de dire وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعَظَّمَا. Et s'ils avaient estimé la science comme il se doit, la science les aurait élevés. C'est ce que j'ai traduit la première fois. Mais lui, ce qu'il a dit dans le vers, il a dit s'ils avaient estimé la science à sa juste valeur, la science serait estimée et vénérée et respectée par les gens. Ils ont dit non, car la science de toute façon elle est élevée et elle est estimée en elle-même, comme bien même les ignorants ne l'estiment pas et ne connaissent pas sa valeur. Mais si les hommes de science respectent leur science et l'élèvent et ne la rabaissent pas, c'est eux qui seront élevés avec cette science qu'ils auront respectée et estimée comme il se doit. Ensuite, il a dit « فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ ضَرُورَةٌ أَوْ اِقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةٌ دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. Il a dit, après ce qu'il a cité, il a dit, si jamais il y a un besoin ou une nécessité ou un intérêt religieux prépondérant par rapport aux méfaits précédemment cités en se déplaçant vers l'étudiant, et que l'homme de science arrive à avoir une bonne intention dans son déplacement, il n'y a pas de mal à ce moment-là à se déplacer vers son étudiant. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre ce qui a été rapporté de certains salafs, qu'ils allaient vers les rois ou vers les gouverneurs ou vers certains de leurs élèves pour leur dispenser des cours de science. Et non pas parce qu'ils cherchaient des intérêts mondains. Et non pas parce qu'ils cherchaient des intérêts mondains avec leur déplacement. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته فقد كان سفيان الثوري رحمه الله يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. Donc également, si l'étudiant fait partie des hommes de science et des ascètes qui ont un statut élevé, il n'y a pas de mal à ce que l'homme de science se déplace pour lui donner la science, comme il faisait l'imam Sufyan al-Thawri avec un de ses élèves qui s'appelle Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, un grand ascète, et qui a beaucoup de paroles qui ont été rapportées de lui dans l'ascétisme et dans le délaissement de dunya. Également, comme il faisait Abu Ubaid, le grand imam, Al-Qasim ibn Sallam, un contemporain de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Quand il venait chez l'imam Ahmad, il se levait pour le saluer et il le ramenait à côté de lui et il montrait sa valeur à ses étudiants. Un grand imam qui a rapporté du hadith, mais sa grande spécialité, c'est la langue arabe. C'est pour ça qu'il allait vers un de ses étudiants qui s'appelle Ali ibn al-Madini, un des plus grands savants dans la science de l'jarh wa ta'dil. Rahimahullah. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, il allait vers Ali ibn al-Madini pour lui enseigner la signification de certains mots peu connus dans les hadiths, ce qu'on appelle gharib al-hadith, pour lui donner la signification de certains mots qui peuvent être cités dans des hadiths, mais dont le sens n'est pas commun entre les gens n'est pas très connu. Ça s'appelle gharib. Et l'imam Abu Ubaid, il a des livres dans ce domaine. Et c'était sa spécialité. C'est pour ça qu'il allait vers son élève, Ali ibn al-Madini, car c'est un grand imam aussi dans la science. Et il lui faisait profiter de cette science. Rahimahumullah. Ensuite, il est passé au troisième adab. Le troisième adab. Le troisième adab qu'il a cité, il a dit أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا. الله أكبر. Le troisième adab qu'il a cité, donc le premier adab, c'est muraqabatullah, sa crainte, et d'observer Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses faits et ses gestes, en secret et en public. Le deuxième, de préserver la science et de ne pas l'humilier avec les intérêts mondains. Le troisième, c'est d'adopter az-zuhd, l'ascétisme, le délaissement de ce bas monde. وَالتَّقَلُّلِ مِنْهَا. Et en minimisant ses besoins des biens de ce bas monde, en minimisant ses besoins au maximum, d'une manière à ne pas se faire du mal à lui-même, ni à ses enfants, et à ceux qu'il a sous sa charge. Car les choses dont il a besoin pour subvenir à ceux qui sont sous sa charge d'une manière modérée, et avec une qana'a, une suffisance, ceci ne fait pas partie des biens de ce bas monde. Ça, c'est quelque chose qui est demandé. Et ça, et le délaisser, c'est pas, ça ne fait pas partie de zone. Et c'est des choses qui ne doivent pas être délaissées. Allahu Akbar. Ça, c'est un point très profitable qui vient de citer ici. Car on parle toujours de zone. Mais c'est quoi zuhd? Est-ce que zuhd, c'est de ne pas subvenir à ceux qui sont sous ta charge? Non. Demander ce qui te suffit d'une manière raisonnable et modérée. C'est pas ce qui te suffit, tu leur achètes du Nutella ou là. Ce qui suffit d'une manière modérée et raisonnable. Et après, chacun selon la société dans laquelle il a grandi. Quelqu'un qui a grandi dans une campagne, il a besoin de beaucoup moins de choses de dunya que quelqu'un qui a grandi dans une ville. Et quelqu'un qui a grandi dans un pays pauvre a besoin de beaucoup moins que quelqu'un qui a grandi dans un pays riche. Et l'homme intelligent et sage ne va pas passer d'une vie d'une grande luxure vers une vie où il mange du pain sec d'un coup. Il peut arriver à ce degré-là, graduellement, petit à petit. Mais s'il passe d'un coup, il lui arrivera ce que vous avez certainement entendu, qui est arrivé à certains de nos frères qui sont partis étudier à Dammaj, à l'époque de Dammaj, où les gens, les étudiants, ne mangeaient que une toute petite quantité de riz. Riz sec. Et je ne parle pas de dommage où Nutella est entré et où ils ont construit des piscines et des choses comme ça. Et ça, en général, c'est les frères qui viennent d'Europe qui ont fait ces choses-là. Alors qu'avant, c'était une grande modestie. Les gens, ils mangeaient à peine une toute faible quantité de riz. Une bouchée, deux bouchées, trois bouchées de riz, et le plat se termine. Il y a des gens qui sont passés d'un niveau de vie élevé, il mange énormément de protéines, énormément de fibres, énormément de choses par jour. Il est passé à un mode de vie où il mange 3 bouchées de riz. Il a perdu ses dents, il a perdu sa santé, il a eu des complications dans sa santé. Donc le croyant sage et intelligent, il mène son nafs petit à petit, comme un enfant. Tu vas avec lui pas par pas. Et tu ne dois pas passer d'une phase à une phase à une autre, et elle est totalement différente du jour au lendemain. Donc le délaissement de ce bas monde ne veut pas dire négliger ceux que tu as sous ta responsabilité. Subvenir à leurs besoins ne te fait pas sortir du délaissement de dunya, mais d'une manière modérée et raisonnable. Et ça, c'est quelque chose qui est conseillé aux frères. Quand ils font le hijra, ils emmènent leurs femmes et leurs enfants, et les femmes et les enfants sont les plus faibles en général. C'est de ne pas les mettre tout de suite dans le rythme du pays dans lequel, vers lequel ils ont fait le hijra. S'ils peuvent le rassurer pendant quelques mois ou une année, la première année, pour leur faciliter, il y en a des choses qui se rapprochent, ou même s'ils peuvent, supérieures au niveau qu'ils avaient en France. Par exemple, s'ils vont au Maroc, c'est facile d'avoir un niveau plus élevé que celui que tu avais en France. Tu peux manger beaucoup plus de légumes et beaucoup plus de fruits et de viande de bonne qualité avec beaucoup moins de moyens. Donc s'ils peuvent leur assurer cela pour qu'ils ne sentent pas le changement, surtout pour pendant la première année, ça sera une grande aide pour les plus démunis. Et ça de manière générale. Après, tu peux trouver des sœurs qui patientent plus que des hommes. Ensuite, il a dit « وَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْعَالِمِ أَنْ يَسْتَقْذِرَ التَّعَلُّقَ بِالدُّنِيَا اللَّهُ أَكْبَرُ » Écoutez cette parole. Il a dit « Et le degré minimum que doit t'avoir le savant, c'est de mépriser l'attachement à ce bas monde. » De trouver l'attachement au bas monde quelque chose de méprisable et répugnante. Donc ça, c'est le minimum. Même s'il a un attachement quelque part au bien de ce bas monde, il doit trouver cela méprisable et répugnant. لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها. Car il est parmi les gens celui qui connaît le plus la bassesse et la médiocrité de ce bas monde et son caractère éphémère et ses tentations et ses peines et ses douleurs et fatigues. فَهُوَ أَحَقُّ بِعَدَمِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهَا وَلِشْتِغَالِ بِهُمُومِهَا. Car il est, donc il est le plus à même de ne pas se tourner vers les biens éphémères de ce bas monde et de se préoccuper avec les soucis de cette dunya. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أُوصِيَ لِأَعْقَلِ النَّاسِ صُرِفَ إِلَى الزُّهَّادِ فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَحَقُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِزِيَادَةِ الْعَقْلِ وَكَمَالِهِ. Il a rapporté cette parole de l'imam Shafi'i. Il a dit, si quelqu'un fait un testament et il dit que cette somme doit, que cette somme soit donnée aux hommes les plus sensés et les plus raisonnables, alors elle doit être donnée aux ascètes, ceux qui délaissent les biens éphémères de ce bas monde. Et ensuite, Ibn Jama'a a dit, فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. Qui a le plus besoin de l'augmentation dans sa raison et de la perfection de sa raison, plus que les savants, et pour qu'ils aient cette perfection et cette augmentation dans la raison, il faut qu'ils délaissent les biens de ce bas monde. Il faut qu'ils soient dans l'ascétisme, dans zuhd, dans le dunya. وقال يحيى بن معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. Il rapportait une parole de Yahya ibn Mu'ad dans laquelle il a dit: si ce bas monde était en or ou en argent. At-tibr, ça veut dire l'or, mais ça peut vouloir dire également l'or et l'argent. En tout cas, si ce bas monde était en or, mais qui doit disparaître, et l'au-delà était en argile. Le khazaf, c'est l'argile cuite avec laquelle on fait des poteries. Et si l'au-delà était en argile, qui devait rester? L'homme raisonnable et sensé préférera l'argile qui va rester sur l'or qui doit disparaître. Alors que dire? Et dunya est un argile qui doit disparaître, éphémère, et l'au-delà est un or qui doit rester éternellement. Ensuite, il est passé au quatrième adab, le quatrième adab concernant le savant. Il a dit: an yunazzaha ilmahu an ja'alihi sulman yatawassalu bihi ila al-aghrad ad-dunyawiyyah من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقران. Également, il doit préserver sa science, de l'utiliser comme une échelle, comme un tremplin pour arriver et pour atteindre ses buts mondains et pour réaliser ses objectifs mondains, tel que l'arrivée à un statut ou à des biens ou à une certaine notoriété ou célébrité ou être servi ou devancer ses semblables. Donc il ne doit pas utiliser sa science pour réaliser ses objectifs de cette dunya, tels que les objectifs qui ont été cités. Et il a cité la parole de l'imam Shafi'i, qu'Allah l'agrée, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit: وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُ هَذَا الْعِلْمَ عَلَى أَلَّا يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِنْهُ. Allahu Akbar. Il a dit: j'aurais souhaité que les gens ou que les créatures apprennent cette science, c'est-à-dire la sienne, que les gens apprennent de lui sa science sans rien lui attribuer de sa science. Donc ils ne veulent pas le statut, ils ne veulent pas la célébrité, ils ne veulent pas être servis par leurs étudiants, ils veulent uniquement propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils visent ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas les biens éphémères de ce bas monde. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرها أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. Également, il doit préserver sa science de vouloir être servi par ses étudiants ou qui lui donnent de leurs biens ou autre chose à cause de ce qu'il leur donne comme science. À cause de ce qu'il leur donne comme science. Et ensuite, il a rapporté une parole, une description de Mansour. Mansour ibn al-Mu'tamir. Abu Attab al-Sulami al-Kufi. Mansour, c'est un tabi'i de la ville de Kufa en Irak. Et Mansour, il est dans... c'est un grand savant et un grand adorateur. Son nom figure dans la chaîne de transmission qui a été décrite comme la chaîne de transmission la plus authentique, selon An-Nawi. Sufyan, selon Mansour, selon Ibrahim, selon Al-Qama, selon Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça vous montre déjà le statut dans la science de cet homme. Un homme dont son nom figure dans la chaîne de transmission qui a été décrite la plus authentique, selon An-Nawi. Car il y a une divergence sur la chaîne de transmission la plus authentique. Est-ce qu'il y a une chaîne de transmission qui est la plus authentique de manière absolue, ou est-ce que c'est selon les régions et selon les endroits? Son élève Shu'ba, qui est très connu, le grand imam de Jarh al-Ta'dil, c'est un élève de Mansour. Il a dit que Mansour ibn al-Mu'tamir, il lui a dit, je n'ai jamais écrit un seul hadith. C'est-à-dire, il mémorise en l'entendant une première fois. Et il y a une parole, une faïda, que je vous cite ici, qui a été rapportée de Mansour ibn al-Mu'tamir. Toutes ces fawaïd sont tirées de Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi dans la biographie de Mansour ibn al-Mu'tamir. Son élève Zaïda, l'élève de Mansour, il lui a dit, le jour où je jeûne, est-ce que je peux dire du mal des gouverneurs? Il lui a dit non. Il lui a dit, alors est-ce que je peux dire du mal de ceux qui disent du mal de Abu Bakr et de Omar? Il lui a dit oui, Rafida. Sufyan ibn Uyayna, grand imam, également est un élève de Mansour. Il a dit, après la mort de Mansour, je l'ai vu en rêve. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ton Seigneur a fait de toi? Il lui a dit, j'ai failli rencontrer Allah avec les œuvres d'un prophète. C'est-à-dire, il n'a pas rencontré Allah avec les œuvres d'un prophète, mais il était proche. Alors que c'est pas un prophète. Et ensuite, Sufyan ibn Uyayna a expliqué cela. Il a dit que Mansour, il a passé 60 ans de sa vie, tous les jours, il jeûnait le jour et veillait la nuit en prière. Allahu Akbar. Après, on rentre pas dans les détails. Est-ce que c'est autorisé de jeûner tout le temps d'une manière continue, ce qu'on appelle l'wissal? Naam. An-Nabi alayhi salam a déconseillé cela à Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radiyallahu anhu. Et le maximum du jeûne conforme à la sunna, c'est de jeûner un jour et de manger le jour suivant. De jeûner un jour sur deux, comme était le jeûne de Daoud alayhi salam. Wa qala Sufyan ibn Uyayna. Donc Mansour, كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. Pourquoi on a parlé de Mansour ici? Parce que Ibn Jama'a a dit de lui qu'il ne demandait jamais de l'aide à quelqu'un parmi ses étudiants. S'il a besoin d'une chose, il la demande jamais à un étudiant. Parce que la demander à un étudiant, c'est comme s'il lui a demandé par rapport à la science qu'il lui donne et qu'il lui dispense. وقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته نسأل الله المسامحة. Donc Sufyan Uyayna, il a dit, dans un premier temps, Allah m'avait accordé la compréhension de le Coran. Et ensuite, je l'ai perdu à partir du jour où j'ai accepté un don. Il a cité un gouverneur. Il a cité un gouverneur. Le cinquième adab qu'il a cité, أن يتنزه عن دنيء المكاسب ولذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت. Le cinquième adab, c'est qu'il doit s'éloigner des moyens de gagner sa vie qui sont considérés comme méprisables et ignobles et bas, et de ce qui est détesté dans la religion, comme bien même c'est pas interdit, tel que faire de l'hijama un métier. Les gains de l'hijama sont des gains bas. Quelqu'un qui en fait un métier. Après, faire l'hijama à tes frères, c'est un bien. Mais ce qui est détestable, c'est en faire un métier et en faire un moyen de gagner sa vie et de vivre dessus. Mais aider ses frères en leur faisant le hijama est un bien. Et si jamais il te donne une chose, c'est un rizq qu'Allah t'a accordé. Et il n'y a aucun mal à l'accepter. Mais en faire un métier et vivre de le hijama, également du tannage, car dans le tannage, on travaille avec des choses qui sont répugnantes. Et également le change, que ton métier soit, yani le change des devises, car il peut y avoir riba. Et il y a beaucoup de choubouhat dans ce métier. Et également siyara, le métier de bijoutier, la joaillerie. Car en général, ceux qui travaillent dans ce métier, le dernier, bijoutier, en général, ils parlent beaucoup avec les femmes et la plupart de leur travail, c'est avec les femmes. C'est pour ça, il a cité ces métiers comme des métiers détestables religieusement où les gens, yani, ils les considèrent comme des métiers bas et méprisables. L'homme de science ne doit pas avoir ces métiers-là. Et également, il ne doit pas faire des choses qui vont l'exposer à des soupçons et des accusations, ni des choses qui vont diminuer sa mouroa, sa virilité et son statut, ou des choses qui sont blâmables chez les gens, même s'ils sont autorisés. Car si jamais il s'expose à des choses dans lesquelles on peut l'accuser, les gens vont parler en mal de lui. Et ainsi, ils vont tomber dans des péchés. Il sera la cause que les gens sont tombés dans des péchés. C'est pour ça qu'il doit s'éloigner de toutes ces choses-là. فَإِنِ اتَّفَقَ وَقُوعُ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية رضي الله عنها فوليا على رسلكما إنها صفية. ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وروي فتهلكا. Donc le hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari et Muslim. Si jamais le savant, il n'a pas le choix que de faire quelque chose parmi les métiers qui ont précédé, où il a été dans une situation où on peut le soupçonner ou penser du mal de lui. Il a dit à ce moment-là, il doit informer celui qui le voit de son excuse et de son intention et de pourquoi il a fait ça, afin qu'il ne tombe pas dans des péchés en pensant du mal ou en disant du mal de lui. Et également, pour qu'il ne le fuit pas et qu'il continue à prendre la science de lui, afin que l'ignorant profite de sa science. C'est pour ça le prophète, le jour où il est sorti de son mu'takaf, il était dans une retraite spirituelle dans la mosquée pendant le mois de Ramadan, notre mère Safiya est venue lui rendre visite et elle est sortie commencer à faire nuit. Il l'a accompagnée chez elle. Deux compagnons l'ont aperçu avec sa fille. Et quand ils l'ont vu, comme s'ils sont partis, ils se sont éloignés. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il les a appelés. Il leur a dit, doucement, c'est votre mère, sa fille. Et c'est rapporté, il ne l'a pas cité ici, c'est rapporté dans Riwaya qu'ils ont dit au messager d'Allah. Est-ce qu'on pensera quelque chose de mal de toi? Il a dit, inna shaytana, certes le shaytan circule dans le sang du fils de Adam, dans sa circulation sanguine. Et j'ai eu peur qu'il jette dans vos cœurs quelque chose, c'est-à-dire de mal. Et dans une riwaya, et ainsi vous périssez. Et vous tombez dans un péché. Le sixième avec lequel nous allons terminer, bi'idnillah, le cours d'aujourd'hui. Le sixième adab, il a dit, أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc il a dit, le sixième adab que le savant se doit d'avoir, c'est de pratiquer avec constance les rites de l'islam et de se conformer au jugement de la religion, tel que l'accomplissement des salawats dans les mosquées en groupe, et de passer salam à ceux qu'ils connaissent et ceux qu'ils ne connaissent pas. Et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et de patienter face au mal subi des gens, et de dire la vérité, et de porter conseil au gouverneur, sans rien craindre en Allah subhanahu wa ta'ala, tout en se rappelant la parole d'Allah, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Endure ce qui t'arrive avec patience. Voilà bien la résolution à prendre dans le sens approximatif. وَمَا كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى وَمَا كَانُوا يَتَحَمَّلُونَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى كَانَتْ لَهُمُ الْعُقْبَى. Également, tout ce que le prophète عليه الصلاة والسلام enduré, lui ainsi que tous les autres prophètes, et leur patience face au mal qu'ils subissaient et tout ce qu'ils supportaient pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la bonne fin a été pour eux. Donc par rapport au point de porter conseil au gouverneur et de leur dire la vérité, il a bien précisé ce qui est en accord avec Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Devant eux, c'est de prendre le gouverneur entre toi et lui. Bien évidemment, là, on parle de quelqu'un qui puisse accéder chez le gouverneur et qui est écouté par le gouverneur. On ne dit pas un balayeur, tu vas conseiller le gouverneur. C'est pas par mépris au balayeur, mais chaque chose a les hommes qui lui convient. Donc là, le discours, il est pas pour tous les savants. Il est pour les savants qui peuvent accéder chez le gouverneur et qui sont écoutés par le gouverneur. Donc cela, il leur est demandé de porter conseil au gouverneur par rapport aux manquements qui puissent arriver dans leur pays, ou les erreurs, ou les péchés, ou les choses comme ça, de leur porter conseil entre eux, et d'une manière discrète, entre eux et eux, et non pas publiquement, sur les sites ou dans les discours du vendredi. Ça, c'est la méthode de l'Khawarij. Al-Sunna, il se conforme à ce qui est rapporté dans le hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, qu'Allah l'agré. Man ra'a min amirihi shay'an, fala yubdihi alaniyatan, wa liya'khudh biyadihi, thumma liya'qul lahu ma sha'a, fa in qabila minhu fadhak, wa illa faqad adda ma alayhi. Ou kama qala alayhi salatu wa salam. Dans le sens de ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui voit de son gouverneur, de son émir, quelque chose, c'est-à-dire de mal, qu'il le prenne par la main et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire, c'est-à-dire qu'il lui porte conseil et qu'il ne lui fait pas le conseil publiquement, mais discrètement, entre lui et lui, et qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire. S'il l'accepte de lui, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, il aura accompli son devoir. Et les savants conseillent les gouverneurs. Mais les ignorants veulent que les savants, à chaque fois qu'ils ont conseillé le gouverneur, ils sortent et ils font un discours, voilà aujourd'hui j'ai conseillé. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. C'est ce qu'ils veulent des savants. À chaque fois qu'ils ont conseillé, qu'ils le disent. Et ça, c'est contre la sagesse. Un gouverneur, Allah l'a mis à un statut élevé par rapport aux gens. Et même toi, si je viens et je te conseille et t'apprends que j'ai raconté aux frères, voilà, j'ai conseillé un tel, tu vas pas l'aimer. Alors que dire d'un gouverneur? C'est pour ça, Sunna est venu avec cette sagesse de conseiller le gouverneur discrètement et non pas comme font Al-Khawarij. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع. Également parmi les responsabilités qui incombent aux savants, c'est de propager les sunan, les traditions prophétiques, et de combattre les innovations et d'assumer leur devoir dans la religion d'Allah avec tout ce qui est pour l'intérêt des musulmans, de la manière légiférée. De la manière légiférée. C'est pas parce qu'il veut le bien des musulmans que tout est autorisé. Il doit se conformer à la législation de l'islam. Il a dit, وَلَا يَرْضَى مِنْ أَفْعَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ بِالْجَائِزِ مِنْهَا بَلْ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِأَحْسَنِهَا وَأَكْمَالِهَا. Et le savant ne doit pas se contenter de ce qui est permis et autorisé dans son apparence et dans son intérieur. Mais il doit choisir pour lui-même le meilleur des choses. Il ne doit pas se contenter que ceci est permis et qu'il se voit dans des situations dans lesquelles il ressemble aux gens de la masse. Le savant, il a une certaine... Il y a un statut à respecter. Et il doit opter pour le meilleur pour lui-même. Quand bien même il fait le fatwa pour les gens que c'est autorisé, mais il y a des choses desquelles il doit s'abstenir. Parce que ça le rabaisse au rang des gens de la masse. Car les savants, il a poursuivi en disant, فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الْقُدْوَى. Car les savants sont l'exemple et le modèle. Comme je disais à certains frères, quand ils posaient la question par rapport à un égaré qui fait des fatwas sur les chaînes télévisées, Et cet homme est rasé. Yani, imaginons que la barbe, pour l'homme, c'est une sunna. La raser, c'est pas un péché. Alors que raser la barbe est un péché. Donc, supposons que c'est pas un péché. Mais le Nabi alayhi sallam avait la barbe et tous ses compagnons, et tabi'in, et tabi'in, et tabi'in, et tabi'in, et tabi'in. Et même jusqu'à avant l'arrivée des colons dans nos pays, tous les hommes avaient la barbe. Et tous les hommes portaient leurs vêtements au-dessus de leurs chevilles. Et toutes nos femmes étaient couvertes. Mais avec l'arrivée de ces kuffars, beaucoup de choses ont changé. Donc je disais, si on suppose que la barbe est une sunna, et c'est autorisé de la raser. Si ce da'iya et ce prêcheur et ce mufti qui passe sur les télés ne laisse pas pousser sa barbe, c'est qui va la pousser? Si lui, l'exemple et le modèle, ne fait pas cela, c'est qui va le faire? Donc rien que ce critère, il te permet de t'éloigner des gens comme ça. Donc éloigne-toi de tout mufti qui porte une cravate, costume cravate. Tout mufti qui rase sa barbe, qui taille sa barbe, déjà ça va t'éloigner de beaucoup de ces gens-là. Et après, on sait que dans nos questions religieuses, on doit revenir vers les hommes de science, dignes de confiance, reconnus pour leur intégrité et leur attachement à la voie de Salaf. Il a dit, car les savants sont les exemples et les modèles. Raser la barbe est un grand péché. Car dans l'ahadith qui concerne la barbe, il y a les critères que les savants ont fixés pour le grand péché. Ressemblance aux mécréants, aux juifs et aux chrétiens. Ça, c'est un grand péché. Wallahu a'lam. Il a dit, car les savants sont les exemples et les modèles. Et c'est vers eux que les gens reviennent dans leurs questions religieuses. Et ils sont l'argument d'Allah par rapport à la masse des musulmans. Et les gens les observent et les regardent. Et ils les suivent. Et ils les prennent comme des modèles et comme des exemples. Alors que peut-être eux, ils savent pas. C'est pour ça le savant, il doit faire attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, même pendant ses moments de divertissement, même pendant ses vacances, même pendant ses voyages, il doit faire attention tout le temps, car il est suivi, il est pris comme exemple. Et les gens, s'ils voient le savant faire une chose, ils vont tous la faire. Et ensuite, il a dit, وَإِذَا لَمْ يَنْتَفِعِ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ فَغَيْرُهُ أَبْعَدُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Voilà ce que je vous ai dit, il vient de le citer, il a dit, et si le savant ne profite pas de sa science lui-même, alors les autres profiteront encore moins de sa science. كَمَا قَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظْ الْعِلْمُ مَا نَفَعْ. Comme l'imam Shafi'i a dit, la science, c'est pas ce qui a été mémorisé. La science, c'est ce qui a été profitable. وَلِهَذَا عَظُمَتْ زَلَّةُ الْعَالِمِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَفَاسِدِ لِقْتِدَاءِ النَّاسِ بِهِ. Et c'est pour ça que l'erreur du savant est fatale et monumentale. Et l'erreur du savant, c'est pas comme l'erreur de l'ignorant. Et c'est pas comme l'erreur de parler de l'ilm. Car le savant, yani, à cause de tout ce qui en découle comme méfait et comme mal, et car les gens le prennent comme exemple et modèle. Fin de sa parole, jusqu'à ici, ce sixième adab qu'on a vu cette soirée, et les autres, on les verra dans le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.